C'est donc l'heure de se retrouver, comme annoncé tout à l'heure, sur le deuxième focus de l'émission de ce soir. Ça ne vous a pas manqué, nous sommes en plein dans la spé française, puisque le groupe qu'on va vous présenter tout de suite maintenant, enfin que Thibaut va vous présenter tout de suite maintenant, est une formation française qui nous permet d'avoir un groupe international et un groupe hexagonal dans les focus de ce soir. Re-salut, et oui. Parti. Eh ben, bonsoir. Ouais, bah, que que deux focus ce soir, mais bon, le planning a été un peu chargé. On va du côté de Mulhouse ce soir pour aller voir le groupe Sacrificer, un groupe qui sort son tout premier album. Il propose un speed trash, un peu de tout. On y reviendra parce que c'est extrêmement riche musicalement. C'est leur tout premier album. Il a été précédé d'un EP en 2019. Qui était déjà très sympa à mon sens, mais un peu desservi par un son qui me paraît trop raw dans ce qu'il propose, et pas tout à fait mature encore. Mais ce tout premier album, donc là qui vient de sortir, qui s'appelle Le Diamant de Lucifer, c'est une sortie chez Osmose, donc voilà, c'est déjà un petit label sympa, ils ont déjà signé sur un petit label sympa. Et ils proposent du speed trash bien old school, on va pousser le bouchon en allant dire du black metal première ère, parce que ça en est, ouvertement. Et puis ils ont le corpse paint de l'époque, donc voilà, il n'y a pas de blanc sous le noir, hein, c'est noir sur la peau, et c'est complètement l'attitude et l'ambiance, donc oui, c'est validé. J'ai pas noté, alors moi personnellement, bon, je connais pas trop la scène de Mulhouse, mais j'ai pas noté de grands noms en termes de groupe. On a des membres qui ont joué notamment dans un groupe de death metal qui s'appelle Karn. On a une sortie récente de black metal qui s'appelle Au-delà, qui me semble on a diffusé, mais j'ai un doute dessus. On a surtout, en regardant un petit peu les différents groupes des membres, ils viennent d'horizons assez différents. On a des groupes de black, des groupes de death, des groupes de thrash, et on a même quelques projets électro-indus de la bassiste. Donc on a vraiment tout un panel d'influences différentes, et ça se ressent vachement dans ce qu'ils proposent. Exactement, et du coup bah c'est assez intéressant de les voir se retrouver dans Sacrificer, alors qu'ils viennent comme tu dis d'horizons et d'expériences très différentes. Et pourtant la sauce apprend super bien dans Sacrificer. Bon, t'as un peu torpillé le premier EP, La Mort Triomphante, que moi j'adore, et j'ai même du mal à me dire que c'est un EP, tellement il est qualité. Bon, il est un peu court, certes, mais pour moi, il a largement la qualité d'un album, et je l'ai en vinyle, et Sacrificer, c'est comme ça que ça s'écoute, et à peu près tous les groupes qui évoluent dans ce style-là, d'ailleurs. Et cet album, je l'attendais sans l'attendre, parce que je l'ai pris un peu par surprise, et il a l'air très très très très bon. Ouais, on va y arriver, mais ouais, complètement, c'est un excellent album. Je m'arrête tout de suite sur l'artwork, que j'ai vraiment adoré, déjà. J'avais déjà beaucoup aimé celui de l'EP, mais celui-ci je le trouve également très classe. Il est signé de la main de Velio Rosto, j'imagine. À savoir que c'est le dessinateur qui a fait une partie des pochettes du groupe allemand Vulture. Et c'est pas spécialement surprenant de trouver un pont entre Vulture et Sacrificer. Parce que c'est tout ce qui gravite autour de cette scène, Evil Invaders, comme tu l'as dit, Vulture, Sacrificer, voilà, toute cette scène un peu revival, speed trash, proto black, comme on aime bien le dire, trash black, etc. Et du coup, toute cette petite scène terrible, tout simplement, ouais. dans ce qu'il nous propose. Et oui, un visuel extrêmement soigné, sombre et violent. Et puis je trouve ça assez élégant au niveau du titre de l'album, hein, Le Diamant de Lucifer, tout comme le premier EP, La Mort Triomphante. Enfin, je trouve ça très poétique, et on retrouve vraiment de la poésie, parce que quasiment tous les textes sont en français. Ouais, complètement. Et puis musicalement, ça rock de fou, quoi. C'est hyper entraînant. Alors vas-y, hein, tu pousses la réverb au maximum. Oui, il y en a. De la réverb au maximum, il y a des ou qui partent comme il faut, et puis c'est tellement, et à côté de ça, en fait, c'est hyper riche. C'est là où il y a toute la subtilité, je trouve, du groupe. C'est avec l'expérience de chacun, c'est là où vraiment ça prend tout son sens. Puis c'est une musique qui est quand même frontale de base, qui est très rapide, qui est très c'est agressif, c'est sifflant. C'est ça. Et mordant, et en même temps, il y a des mélodies absolument incroyables, très froides, à moitié épiques, et enfin, ouais, la sauce prend sacrément bien. Ouais, ouais, et puis tous les instruments, je trouve, tu sais, des fois, t'as des instruments qui sont très dominants sur d'autres et tout, mais là, tout le monde à sa place sur l'album, et t'as un chant qui est vraiment super chouette, avec des espèces de hurlements ultra aigus qui sont pas sans me rappeler Exécutor, parce que c'est les spécialistes français du style. T'as la batterie, elle cogne dans tous les sens. C'est le petit reproche, on va dire, que je vais donner, c'est que la batterie, je trouve que la double pédale est un peu trop faible sur l'ensemble de l'album, mais sinon c'est royal, et surtout compensé par une basse qui est parfaitement mise en avant et qui claque. Enfin, moi j'ai vraiment adoré le son de basse et ce qui a apporté à la basse également, quoi. Tout à fait. Non, non, c'est pour ça, t'as ce côté vraiment old school et rao dans le son, mais c'est presque faussé, et c'est agréable que ça soit faussé, dans le sens où en fait le rendu est c'est proprement sale ou salement propre, comme vous voulez, et on apprécie la saleté du truc tellement c'est bien fait, tout simplement. Ouais, puis une belle durée quand même, 40 minutes, on n'a vraiment pas le temps de se faire chier, parce que t'en as vraiment partout, enfin vraiment t'as à écouter. Franchement, j'ai été obligé de l'écouter vraiment plusieurs fois pour tout saisir dedans, alors que normalement ce style-là c'est un truc qui est hyper frontal, et t'es pas fondamentalement besoin de réécouter, d'aller gratter le truc et tout, quoi. Et c'est vraiment génial, enfin vraiment l'album je l'ai surkiffé. Que dire dessus, si, les interludes. Dans l'album, t'as deux espèces d'interludes qui sont full synthé. Mais tu sais, les gros synthés ultra lourds et puissants à la Carpenter. Mmh. Et ils sont magnifiques. Les deux interludes, je les adore. Enfin, rien que les interludes, je les trouve géniaux, quoi. Ouais, ça prend déjà une place considérable. Et ça, par contre, c'est nouveau par rapport à l'EP. Mmh. Et je pense que le mieux, c'est de s'écouter un titre. Et c'est pas banal, t'as choisi le titre de clôture pour illustrer ce focus. Ouais, le titre de clôture, parce que pour moi il s'est démarqué de façon assez incroyable. Sur le chant, on va y venir, mais c'est peut-être le morceau le plus heavy de tout l'album. Et ouais, bon, on va revenir dessus après, vraiment sur le chant. On se l'écoute du coup. Eh ben c'est parti. Sacrificer avec le morceau La Cathédrale qui clôture l'album Le Diamant de Lucifer, une sortie Osmose. C'est parti. Voilà, ça aurait été dommage en fait de parler du chant, ça aurait un peu spoilé l'écoute. Et on a ce chant sur le refrain qui est absolument incroyable. Alors toi t'as écouté l'album en entier, moi pas encore. Et du coup je prends l'album à la fin, c'est aussi intéressant de fonctionner comme ça accessoirement. Et ce chant qui apparaît sur le refrain, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis remis à une deuxième fois, je me suis dit putain en fait mais non, c'est juste parfait. La manière dont c'est employé, dont c'est exploité. C'est, enfin, ça donne une dimension effectivement très heavy. Et alors, je vais peut-être insulter. Hein, je trouve que ça renvoie un peu une ambiance à la Powerwolf. Alors, Powerwolf, je trouvais ça vraiment bon au tout début. Hein, maintenant, je trouve que ça a vraiment viré à la souplette. Mais cette espèce de voix grandiose, qui du coup donne la résonance d'une cathédrale, je trouve ça super bien pensé. Ouais, bah c'est l'exemple. C'est exactement ce que je te disais avant, en fait, de lancer le morceau. Il faut plusieurs écoutes. Parce que moi, la première fois, ça a été pareil. Ça te coupe le souffle. Ça vient de nulle part. Et tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, et tu réécoutes et tu fais, non, en fait, c'est du génie. C'est juste du génie de l'avoir placé à ce moment-là, ce chant qui vient vraiment de nulle part dans tout l'album. C'est... Oui, parce qu'en plus, voilà, c'est vraiment la ligne de chant qu'on ne retrouve que sur ce morceau, qui clôture l'album. Et avec un morceau, du coup, légèrement en décalage avec le reste de l'album, mais qui colle parfaitement bien pour une clôture. Ouais, complètement. Alors, en tout cas, cet album, là, Sacrificer, ils ont mis la barre super haute. Effectivement, comme tu le dis déjà avec l'EP, même si moi je semble avoir un peu moins apprécié que toi, ils avaient déjà tapé assez haut avec l'EP, mais là, ils confirment un truc avec le premier album, clairement. Ben, c'est parfait, du coup, Sacrificer, à s'écouter sans modération. Eh ben merci à toi. Salut. Eh ben merci. Bonne soirée. Mais l'émission. C'est parti. Et donc on continue le déroulé de l'émission toujours dans l'aspect française à la suite de ce Song Goon Focus et en fait je suis limite coincé parce que le groupe suivant qui est une autre nouveauté limite personnellement je pourrais faire un focus dessus. Donc on va essayer de faire très bref pour l'instant. Donc il s'agit de FT17, le groupe de Black Death qui nous vient de Nantes, qui a pour thème la Première Guerre mondiale au travers d'un personnage, Marcelin Trouvé. Donc voilà, il compte l'histoire sur ce troisième album une fois de plus. Il s'intitule N1914, donc l'N, le département. Une sortie sur le label fraîchement monté du côté de Nantes, L'Ordalie Noire. Et on va s'écouter le titre Les Baïonnettes de Corbeny. FT17, j'adore. Donc c'est pour ça, je vais pas trop m'étaler dessus pour le moment, parce que je pense que je prendrai le temps un soir où il n'y a pas de focus pour prendre un peu plus de place pour présenter le groupe. Il y aura certainement un spotlight sur cette formation nantaise. Et voilà, je voulais juste vous préciser que sur ce titre, je trouve que la batterie est absolument incroyable. Elle martèle, c'est presque hypnotique. Elle est super intelligemment mise en avant. Et voilà, énorme travail, particulièrement sur ce titre-là. Il y a un autre morceau qui est un peu dans le même état d'esprit. Mais on en parlera plus tard. Et en doublette avec FT17, changement radical d'ambiance, avec cette fois Pulsating Cerebral Slime, à One Man Band qui nous vient de Lyon. Le gars donne dans le grind, est actif depuis une petite dizaine d'années. Grosse thématique sur la franchise Alien, hein, tout se retrouve dans le titre de l'album, les morceaux et bien évidemment le visuel. C'était ce titre pour une trentaine de minutes, une vraie batterie. batteur accessoirement, mais pas de parole, juste du bon dégueulis comme on aime. FT17, donc avec tout d'abord le morceau Les Baïonnettes de Corbeny, puis Pulsating Cerebral Slime, Overmophoids, extrait de l'album No One Can Hear You Scream. C'est parti. We'll be right back. On continue à dérouler la spé française avec, eh bien, en clôture de cette spé française, pardon, une autre nouveauté. Nous avons tout d'abord Clegane, une récente formation. Le groupe a vu le jour en 2016. On est sur du Doom Sludge. Ils sortent là leur second album studio. Des compos assez longues, puisque pour 5 morceaux, chacun fait entre 7 et 9 minutes. Une musique lourde, monolithique, répétitive de manière assez hypnotique, avec cependant des grosses variations dans les ambiances et également dans les parties vocales pour éviter qu'on se fasse chier un peu vulgairement, si je peux me permettre. Voilà donc pour les présentations autour de Clegane. Ce nouvel effort studio s'intitule White of the Eyes. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'album. Et ensuite, Miasme, formation qu'on a pu voir en Touraine il n'y a pas très très longtemps, grâce à Catharsis Asso. C'est un trio black français, on est sur du black crado punky à souhait. Ils sortent là un tout premier EP, une sortie Les Acteurs de l'Ombre, 5 titres pour une vingtaine de minutes, avec des textes hurlés en français. Et dedans, gros line-up chez Miasme, puisqu'on retrouve des ex-membres de notamment Antaeus et, si je ne m'abuse, Balrog. Voilà donc, présentations sont faites pour la doublette suivante. Et Miasme, on s'écouterait le titre Fury, extrait du premier EP Vermine, déjà dispo chez les Acteurs de l'Ombre. Yeah. retour à la diff internationale avec la dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. Il s'agit du groupe américain Orehand, groupe de Doomstoner actif depuis 2015. Ils sortent là leur troisième effort studio. Un groupe mené par une vocaliste avec une grande versatilité vocale. Elle alterne vraiment très très bien le chant clean assez classique de ce style musical, de manière assez mélodique d'ailleurs, avec des intonations à la limite du guttural, beaucoup plus écorché et violent, et globalement la musique est grasse et massive avec quelques fuzz par-ci par-là. Voilà, troisième effort studio pour le groupe ricain Orehand, et on enchaîne avec le groupe de Brutal venu de Hollande, Sever Torture. Ils font leur grand retour studio avec entre guillemets seulement un EP 3 titres en attendant le prochain album. Ça reste toujours aussi brutal, frontal et efficace, cependant, cette EP fait suite à un album qui remonte déjà à 2010, le très très très très bon Slaughtered. L'EP ne fait que 15 minutes, une sortie déjà dispo chez Season of Mist, et voilà. Qu'est-ce que... Bah non, on a fait le tour des informations. Orehand, on s'écoutera le morceau Godful, extrait de l'album Collapse. Sever Torture, Entangled in Hate, extrait de l'album Fisting the Sockets. C'est parti. I found your face. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On arrive déjà à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Une nouvelle émission en différé qu'on a fait en sorte de vous rendre très riche et toujours plus intéressante avec le retour des focus sur une émission en différé. On se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Et d'ici là, surtout, ne zappez pas la très très belle date que nous proposera Catharsis le jeudi 30 juin. Ce sera au Red Club de Rochecorbon avec la venue du crossover trash de Enforced ainsi que des franciliens de Cavalerie accompagnés de locaux de Verbal Razor et Pavement Punishment. Et pour rappel, hein, le 2 ou 3 juillet, j'ai toujours pas revérifié d'ailleurs, enfin bref, le dernier dimanche de l'année scolaire et donc le premier dimanche du mois de juillet. Dernière émission en direct, on vous prépare un gros contenu d'ailleurs, et on retrouvera Emile de Riposte Asso, qui viendra nous parler du Ripfest qui aura lieu une semaine plus tard. Retour à la musique avec tout d'abord Sci-Fi Finn, une nouveauté qui date de la dernière émission. Sci-Fi Finn, c'était une découverte, un groupe de black légèrement dissident et dissonant, ça nous vient de Lituanie, après un premier album en 2017, le second est sorti à la toute fin du mois de mai. 6 vrais titres avec 2 interludes, les morceaux sont assez généreux, hein, 5 à 10 minutes, d'inspiration islandaise, à la sauce My Sperming et haute Svartidodi, et également de grosses références à la scène française, à la sauce Aozot et Despel Omega. Une recette sombre et malsaine, brutale et atmosphérique, avec cependant une touche bien personnelle pour le groupe. Donc voilà, une nouvelle réussite pour le lituanien de Sci-Fi Finn. Et on enchaînera avec Artificial Brain, groupe qui a bénéficié d'un spotlight la semaine, il y a une dizaine de jours maintenant, groupe de progressive tech death qui nous vient des États-Unis, actif depuis une dizaine d'années. On a des inspirations dissonantes et étouffantes à la sauce Gorguts, hein, d'ailleurs entre Sci-Fi Finn et Artificial Brain, vous verrez, c'est assez... pesant comme doublette. 3 guitaristes dans la formation Artificial Brain et un des guitaristes est passé une dizaine d'années chez Revocation, histoire que vous voyez un petit peu le niveau de dégâts et le niveau de compo de Artificial Brain, un album très très bien accueilli d'ailleurs. Open Wounds, le titre de Sci-Fi Finn, extrait de leur nouvel effort studio Color of Fate. Artificial Brain, le morceau Celestial System, sorti Profound Lore Records, et l'album est éponyme. C'est parti. We'll be right back. Et c'est donc la doublette de clôture pour l'émission de ce soir, avec tout d'abord Va Matar, un récent duo de Black qui nous vient des États-Unis, formé en 2020. Dans ce duo, il y a une vocaliste et elle tient également la batterie, c'est extrêmement rare dans le métal en général et encore plus dans le Black. On est sur un Black limite Rao qui dégouline les années 90, très inspiré Black Scandinave, 6 titres pour 40 minutes. C'est bas du front et en même temps il y a pas mal de subtilités pour éviter de tomber dans le pénible en fait, dans le surécouté. Donc Va Matar, vraiment très très intéressante comme formation de Black. Et on clôturera avec Holocausto Cannibal, le groupe de Brutal Deathgrind qui nous vient du Portugal. 6ème album studio en désormais 25 ans de carrière, 19 titres pour 33 minutes. Très classique à tous les niveaux, cependant très efficace. Va Matar, on s'écoutera le morceau Hallowed Flesh, extrait de l'album Medieval Geist, une sortie Iron Bonnet Records, Holocausto Cannibal, Avida Tragachao, extrait de l'album Cruza Felina, une sortie sur le très très bon Self-Made God Production. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao ciao.